ciel m'est libéré. Depuis la croix pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier. Ma plus belle histoire, oh, histoire d'amour. Depuis les ciels pour me libérer, depuis la croix pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend vivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Désert, dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Du désert, dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance. Les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend vivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré. Tu péchais, tu m'as aimé. Rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, oh, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré. Tu péchais, tu m'as aimé. Rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend vivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire d'amour.